Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Bonjour, vous êtes avec les amis du grain des mots, si vous n'aviez pas compris, et vous êtes bien sur Radio Clapas 93.5. Mais c'est vrai que vous êtes bien sur Radio Clapas. Et on y est même très bien. Alors, aujourd'hui, notre émission va être consacrée à un écrivain, un seul, un jeune écrivain de langue française, en tout cas qui a choisi d'écrire en français, qui est d'origine vénézuélienne et chilienne. Miguel Bonnefoy, qui est passé à les librairies récemment, et un entretien tout à fait enthousiasmant, tout à fait sympathique, que nous allons vous restituer. La modératrice, comme on appelle ça, était Françoise de Blomac, et il y a eu un truc qui s'est passé entre les deux. Il y avait une soirée très harmonieuse, très réussie. Voilà, Miguel Bonnefoy. Vous êtes né d'un père chilien, d'une mère vénézuélienne. Vous êtes né à Paris en 1988 et 86. Vous avez 86. Oh, c'est mes notes. Tu m'as enlevé quelques années, ça fait plaisir. Ah mais ça y est, il a quand même 30 ans, ça me rassure. Et donc tu as vécu au Venezuela, en France. À 21 ans, tu remportes le Grand Prix de la Nouvelle de la Sorbonne Nouvelle avec La Maison et le Voleur. Ensuite, un petit détour par l'Italien avec Le Labyrinthe dans le Minotaure. Et ensuite un recueil de nouvelles Naufrage aux éditions Caspire en 2012. Exactement. Ensuite, un premier prix du prix du jeune écrivain avec Icare et autres nouvelles. Encore un autre recueil de nouvelles. Et ensuite, premier grand récit en français, Le Voyage d'Octavio, donc aux éditions Rivage, et disponible aujourd'hui en Rivage Poche en 2015. Que je recommande vivement, qui est une sorte de conte picaresque et pour lequel tu as remporté plusieurs prix, je ne vais pas tous les lister. Ensuite, 2016, Jungle. Alors, ce n'est pas un roman, c'est le récit d'une expédition à travers la jungle vénézuélienne pour atteindre le sommet de l'Ahuyantepuy. Exactement. Et de redescendre en rappel pendant 2 jours le long de la plus grande chute d'eau du monde. Oui, le Salto Ángel, oui, exactement. Voilà. Et puis cette année, Sucre Noir, aux éditions Rivage. Donc un roman dans la grande tradition de ce qu'on peut appeler le réalisme magique. Et beaucoup de magique d'ailleurs, et qui nous parle en fait d'une, je sais pas comment on peut le traduire, mais d'une espèce d'immense chasse au trésor à travers l'histoire d'une famille sur 3 générations. Donc 30 ans, bardé de prix, un petit peu énervant, mais bon, paraît sympathique. Alors, mais ce qui est marrant, c'est que justement, à travers tout ce qui a été écrit auparavant, j'ai déjà l'impression que Sucre Noir est déjà l'héritier de tout le reste. C'est-à-dire qu'on y retrouve déjà les mythes, on y retrouve la jungle, on y retrouve les voyages, des maisons, des voleurs. Le tout dans une espèce de grand labyrinthe quand même, alors qui est un labyrinthe naturel, et les héritages ne s'arrêtent pas là. Donc, quel a été le point de départ? Est-ce qu'il y a une espèce de sédimentation? Il y a quelque chose de cumulatif? J'aime beaucoup la façon dont tu le dis. C'est vraiment, j'avais pas du tout pensé à la possibilité comme ça que les choses puissent s'accumuler jusqu'à arriver à un livre. Cependant, moi, je suis convaincu, et je te le dis très honnêtement et sans aucune de fausse humilité, que c'est un pied à l'échelle, que c'est un livre qui est maladroit et qu'il a des longueurs et que je dois encore beaucoup apprendre à écrire pour pouvoir écrire juste un bon livre un jour. J'ai vraiment l'impression que... Donc, si vous voulez lire ce mauvais livre... Il y a tellement de bons livres autour de nous. Non, je pense beaucoup à cette phrase de Julio Cortázar, l'écrivain argentin, qui disait toujours, ce n'est pas un livre de plus que j'écris, c'est toujours un livre de moins. Un livre de moins dans le grand chemin jusqu'à arriver à un livre ultime qui est peut-être celui qui vraiment est l'aboutissement de tous les livres, et lui dit que tu ne l'écris jamais parce que tu meurs avant. Mais en effet, je crois beaucoup à cette idée qu'on peut arriver petit à petit à une sorte de perfection dans l'écriture. Et puisqu'on en parle, et je pense avec toi à voix haute, encore aujourd'hui, je peux avoir des réflexes d'écriture qui me semblent les mauvais. Par exemple, si je dois écrire « La maison était bleue », alors je vais aller sur Internet, où je vais aller dans un dictionnaire, où je vais aller dans le trésor de la langue française, et je vais trouver dans les synonymes de « bleu », alors tu as bleuâtre, tu as bleui, tu as bleuté, tu as azulejos, et puis après tu as toutes les compositions de mauve comme ça et des différentes tonalités de couleurs. Et alors je vais prendre la traduction, je vais prendre la description. Et alors la maison était bleuâtre avec des tons bleuis. Et on voyait au loin des sortes d'azulejos qui jouaient avec la lumière. Et tout à coup, quand tu relis ta phrase, quand tu relis ta page, tu te rends compte que tous ces mots qui apparaissent là sont comme des taches bleues au milieu de la page. Et j'ai encore tant de kilomètres de pages et d'encre à écrire pour un jour pouvoir avoir le luxe, la force et le courage d'écrire « La maison était bleue ». Et ça, ça viendra plus tard, c'est probablement. Ça, pour l'instant, eh bien, voilà, il faut beaucoup écrire. Tu me parlais du point de départ, de la genèse du livre. Était après la publication d'Octavio, et moi j'ai publié Octavio il y a à peu près 4 ans quand je suis arrivé en France avec le prix du jeune écrivain. Et puis, j'avais été invité pour un prix, du coup, c'était une semaine, le prix. Je devais rester en France pendant une semaine, faire une petite tournée, quelques rencontres, et reprendre l'avion de retour pour aller au Venezuela. Et aussitôt, j'ai rencontré mon éditrice, Émilie Colombani, qui est l'éditrice de la maison d'édition Rivage, qui m'a dit, j'ai lu votre nouvelle Icare, 8 pages, oui, c'est sympathique, mais vous savez, moi je suis éditrice, j'ai mon catalogue d'auteurs, je suis en train de chercher de nouvelles voix, de nouvelles musiques. Est-ce que vous auriez un roman dans les tiroirs? On vit en France, dans un pays qui, hélas, a, je ne sais pas pourquoi, une sorte de déséquilibre entre la nouvelle et le roman, comme si le nouvel était une sorte de genre bâtard, alors que le roman est un genre noble, comme l'opérette ou l'opéra, ou le ping-pong et le tennis. Alors qu'au contraire, la France a une tradition de nouvelliste magnifique. Et cependant, on vit le marché du livre aujourd'hui insiste sur le roman. Elle me dit, si tu veux jouer dans la cour des grands, il faut écrire un premier roman. Est-ce que tu as un roman sous le bras, dans les tiroirs? Et je lui ai menti, je lui ai dit, oui, j'ai un excellent roman. Elle me dit, est-ce que je peux le lire? Je lui ai dit, donne-moi quelques mois pour travailler un petit peu des gaucheries, des maladroits, changer la fin, je ne suis pas sûr si c'est le majordome qui est l'assassin à la fin. Et alors, j'ai jamais pris l'avion de retour. Je suis resté en France, je me suis enfermé à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, avec François Mitterrand. Et puis, en effet, j'ai écrit Octavio. Une fois qu'Octavio a été publié, j'ai commencé à faire les différentes tournées pour les rencontres, ici et là, comme ça, dans des librairies. J'ai rencontré une journaliste qui s'appelle Laura Lourdas, qui avait inventé quelque chose appelé le verre et la plume. L'idée était de pouvoir prendre un livre et de marier un livre avec un alcool. Donc, elle avait marié Octavio avec un rhum vénézuélien. Elle m'avait donc invité dans une romerie parisienne. On s'était assis, il y avait une trentaine de personnes devant nous. Ils avaient servi un verre de rhum à chaque personne. Il me semble que c'est prévu pour plus tard, oui, dans la librairie. Et moi, il fallait que je lise des passages de livres pendant que les gens, en buvant le rhum, essayaient, les yeux fermés, de voir s'il y avait des échos, des passerelles, des connexions supérieures entre le parfum des mots et le parfum du rhum. Comme moi, j'ai cessé de parler, aussitôt le maître Remier qui était à côté de moi, qui s'appelle Alexandre Vintier, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les 101 Roms à découvrir », a pris la parole, et j'ai observé que cet homme utilisait un champ lexical qui était beaucoup plus proche de la poésie que celui de l'alcool. Il utilisait des mots comme « girofle », comme « cannelle », comme « ananas », comme « porosité du chêne », comme « haie de palmier », comme « vieille barrique », comme « part des anges ». Et je me disais, oh, comme j'aimerais un jour que quelqu'un puisse parler un de mes livres avec ces adjectifs-là, qu'il utilise exactement les mêmes adverbes, qu'il utilise exactement les mêmes pirouettes linguistiques pour pouvoir parler de mon livre. Alors j'ai posé ma candidature à la mission Stendhal, qui est donnée par l'Institut français. Alors, puisqu'on est en famille, je vous dis tout. Il te donne une enveloppe de 4000 euros pour partir n'importe où dans le monde pour aller faire des recherches pour ton prochain livre. Moi, je suis alors parti au Venezuela, et dans l'État... Pour tester tous les rhums. Pour tester tous les rhums. Wow. Je pensais pas que ça pouvait être aussi bien le métier d'écrivain. L'écriture et l'encre au fond des cuves. Et en effet, je suis parti alors à la ferme distillerie de Santa Teresa, qui est près de la Victoria, dans l'état Aragua. À plus ou moins 2 heures à l'ouest de Caracas, quand tu prends une route qui passe par des vallées comme ça, avec des petites collines vertes et plusieurs villages, avec des vendeuses de mangue, de goyave et de fruits de la passion comme ça, qui comme un chapelet, assis les unes après les autres, comme des graines d'un chapelet, se suivent comme ça. Et tu arrives alors à la Victoria, tu entres dans la Victoria, tu dépasses la Victoria, qui n'est pas une ville très belle. Et aussitôt, dans l'arrière-pays, se dresse comme ça la ferme distillerie de Santa Teresa, qui est là depuis 3 siècles, avec ses plantations de canne à sucre, avec ses laboratoires, avec ses vieux pressoirs, avec ses maîtres remiers, avec ses coupeurs de canne, avec ses guacamayas, ses guacharacas, ses chaguaramos. Et alors, aussitôt, j'ai été reçu par Néstor Ortega, qui lui m'a montré quel était l'arc transformationnel depuis l'instant où tu coupes la canne jusqu'au moment où tu sers ton petit verre de rhum avec 2 glaçons et un trait de citron vert. Et j'ai vu devant moi quelle était la structure narrative du livre. Il y avait là, eh bien, le coupeur de canne, comme ça, il y avait là les cultures surbrûlées, il y avait après, eh bien, la presse, il y avait après le vieillissement, il y avait après la fermentation, puis après la mise en bouteille, et puis tout le travail qui se faisait avec même des petits détails sublimes, comme avant de refermer la barrique, le maître remier qui mesait 2 gouttes d'eau pour baptiser son vieillissement, et puis il refermait la barrique. 1000 petits détails qui se sont ajoutés et que moi j'ai consignés dans une sorte de moleskine, une sorte de grande monographie, dans laquelle j'ai écrit de manière désordonnée toutes les choses que j'avais vues. Je suis revenu en France et je me suis enfermé à la Villa Marguerite d'Ursenard, qui est entre Lille et Dunkerque, à la frontière belge, c'est une résidence d'écriture, et près de Bayeul. Et là, dans une chambre absolument monacale, dans laquelle tu as un lit, une armoire et un bureau, et sur le bureau, tu as le Larousse, comme ça, gigantesque. Eh bien, je me suis enfermé pendant 2 mois pour pouvoir écrire et mettre alors au propre tout ce que j'avais pris d'une manière désordonnée au Venezuela. Donc aujourd'hui, en effet, je vous pose sur les genoux ce sucre noir qui a commencé avec du rhum et qui a fini avec du maroilles. Mais alors, la première image du livre... alors, je sais pas, est-ce que tu veux bien lire juste le début ? Bien sûr. Jusque-là. Jusque-là ? Ouais. Parce qu'on n'est pas encore dans le rhum. Exactement. Le jour se leva sur un navire naufragé, planté sur la cime des arbres, au milieu d'une forêt. C'était un trois-mâts de 18 canons, à voile carrée, dont la poupe s'était enfoncée dans un manguier à plusieurs mètres de hauteur. À tribord, des fruits pendaient entre les cordages. À bâbord, d'épaisses broussailles recouvraient la coque. Tout était sec, si bien qu'il ne restait de la mer qu'un peu de sel entre les planches. Il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de marée. D'aussi loin que s'étendait le regard, on ne voyait que des collines. Parfois, une brise passait, chargée d'un parfum d'amandes sèches, et l'on sentait craquer tout le corps du navire, depuis la hune jusqu'à la cale, comme un vieux trésor qu'on enterre. Cela faisait plusieurs jours que l'équipage survivait difficilement à bord. Et après le reste, voilà, je vois que après... t'avais la petite marque. Oui, je me suis dit, on s'arrête là. Mais c'est pour montrer que, en fait, en plus, ce n'est pas un bateau inhabité. Exactement. Il est habité. Alors ça, c'est quand même... Je comprends l'ambiance monacale, etc. Mais en gros, t'avais fumé quoi ? Ah oui, en effet. Cette vision, ce premier chapitre avec on va voir un peu la vie de cet équipage qui en est réduit à pêcher les paresseux, échoué dans son manguier. Dont tu nous as bien expliqué dans Jungle son importance pour le Venezuela. Merci beaucoup, Jean, en effet, voilà. Tu as très bien lu les livres. Donc, c'est une vision complètement cauchemardesque et tout de suite qui pose ce personnage du capitaine et cette espèce de fascination pour le trésor. Gabriel Hernandez en duo avec Alfred Thompson. Gabriel Hernandez au piano, Alfred Thompson au sax, pour un titre qui s'impose, Dialogo. Dialogo, et le dialogue avec Miguel Bonnefoy continue. Alors ça vient d'où ce trésor qui est quand même la figure, qui est quand même une figure centrale du livre. Eh bien, c'est une passion pour les trésors. Alors c'est... non, pas forcément. En effet, tu as raison. Et pour te raconter, en effet, l'anecdote comme ça de ce premier chapitre, pour pouvoir un peu parler de la pulpe qu'il y a autour du noyau. Mmh. Et moi, je suis fils de diplomate. Ma mère est une Vénézuélienne qui, elle, a été attachée culturelle de l'ambassade du Venezuela à Paris. Et mon père est un réfugié politique chilien. Et donc, ils sont multipliés à Paris. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis né à Paris. Et puis après, comme tous les fils de diplomate, eh bien, j'ai eu une enfance désordonnée de frontière en frontière, de capitale en capitale. Comme on n'a pas de géographie propre, eh bien, chaque fils de diplomate se fait sa propre géographie, non ? Et la mienne ont été les livres, ont été les mots, ont été les lettres. Il y avait un site internet à cette époque-là, moi j'habitais au Portugal, dans lequel ça s'appelait bonnenouvelle.com, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, dans lequel on te fait une sorte de recensement de tous les concours de nouvelles qui existent en France. Oui, moi, ils existent toujours. Mmh. En étant dans le lycée français, en étant dans les alliances françaises, en étant en général en lien avec l'ambassade de France, où que je sois dans le monde, j'avais toujours une forme de fascination envers la France et envers le rayonnement de la langue française. Et ces concours de nouvelles, je me disais, quelle merveille cet exercice de style dans lequel on te donne trois contraintes, une date, un thème et un nombre de pages, et il faut alors que tu envoies la meilleure histoire. Et c'est la meilleure histoire qui est primée. Je me souviens que une de ces concours de nouvelles, c'était justement, le thème était le naufrage. Donc il y avait bien entendu le double jeu de tantôt le naufrage de la frégate de la Méduse, comme avec ça, ou bien entendu le naufrage du cœur, sinon le naufrage à l'intérieur de soi-même. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas écrire une nouvelle ? Mais j'étais tout jeune. Tu l'es encore. Merci. Je me suis repris, c'est ça, mais c'est plus jeune. Et dans lequel, pourquoi ne pas croiser l'imaginaire de la forêt et l'imaginaire du naufrage ? C'est-à-dire de poser un navire sur la canopée, sur la cime des arbres, et remplacer eh bien, les vagues par des feuillages, les écumes par des branchages, et les bancs de poissons qui passent par des bancs d'oiseaux. Et puis faire comment cohabiteraient des pirates qui sont dans un bateau, dans ce monde qui est entièrement le monde champêtre de la forêt. Mmh. J'ai écrit la nouvelle, qui était bien entendu absolument maladroite et pleine d'erreurs, pleine d'épines. Je l'ai envoyée au concours, elle n'a pas du tout gagné, et je l'ai gardée dans un tiroir. Lorsque je me suis mis à écrire Sucre Noir, et donc j'ai commencé par le deuxième chapitre, qui est l'installation d'une ferme distillerie, un portrait de Maître Remier avec monsieur, madame, et avec la fille qui vivent là. Et donc il faut prendre le temps de développer les personnages, de caractériser quels sont les rapports de force entre eux, de voir plus ou moins de quelle ambiance on est, quelle est la lumière, quelles sont les couleurs, quelles sont les odeurs. Et ça prend quelques pages pour pouvoir le travailler. Je me disais, lorsque le lecteur entrera dans le livre, il s'ennuiera probablement dans cette espèce de longue plaine monotone et interminable, et prendra du temps, plusieurs pages, pour pouvoir vraiment pénétrer le livre. Si j'arrivais, avec une première scène, à donner quelque chose de fort, aussitôt, comme si tu prenais quelqu'un et tu le pousses dans les escaliers sans rambarde et qu'il est obligé d'entrer dans ton récit, eh bien alors ce serait fort. Et je me suis souvenu de cette vieille nouvelle que j'avais écrite sur les naufrages. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas coller alors ces deux nouvelles, le mettre au premier chapitre, et après le coller comme une sorte de ciment, une sorte de mélasse avec le reste du corps du texte. Bien entendu, le premier chapitre se passait au XVIIe siècle avec des pirates, et le reste se passait au XXe siècle dans l'immobilité d'une ferme distillerie. Pendant peut-être 6 mois, je me suis posé la question, quelle allait être la phrase, qu'allait faire justement le trait d'union entre les deux. Et finalement, j'ai choisi 3 siècles plus tard, virgule, un village s'installa. Comme quoi, tu vois, c'est comme la Maison Bleue, il y a un moment, bravo, faire simple. Exact, c'est tout à fait ça. Et ça marche très bien. Et ça me fait penser à André Gide, justement, qui lui, en lisant les caractères de la Bruyère, il dit « Si clair est l'eau de ses bassins qu'il faut se pencher longtemps pour en comprendre la profondeur. » Et je trouve ça magnifique, non ? C'est que plus tu es clair, plus tu es profond, plus tu es simple. C'est si difficile d'être simple. Oui, la tentation de la complexité. Exactement, du côté labyrinthique, borgésien, comme ça. Mmh. En croyant alors que tu vas être plus profond. Et non, mon ami. Mais alors, justement, tu as cette chose dans ton écriture qui est très particulière, c'est une écriture très sensuelle, on le voit avec des images, beaucoup d'odeurs, beaucoup du bruit, enfin même du toucher. tu rencontres du toucher, mais tu mélanges les choses. Oui. Alors, il y a par exemple un moment, je ne sais plus, c'est son baiser prit une couleur d'or et de miel. Donc, tu vois, le baiser. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Le baiser a une couleur. Mais c'est bien, hein. Oui, oui, on aime, hein. C'est pas une critique, non, hein, non, que je fait, fais. Non, non, j'essaie entendu. De faire non, pénétrer c'est les bien. Gens, justement, et dans la magie de cette écriture. C'est-à-dire raison, que tu ouais. prends les sens, mais en même temps, tu les bouscules. Oui, oui. Et il y a la maison qui a une lumière de cuir. Oui, aussi. Oui, bah, une lumière de cuir. Mais en même temps. Voilà, ça donne aussi, je ne sais quoi. Et oui, tu as raison. Et tu vois, ça me fait plaisir, par exemple, que tu parles de cette scène. Et je vous donne toutes les ficelles, tu vois, puisqu'on est entre nous. Et puis, par exemple, on réfléchit à voix haute. On va peut-être pouvoir gagner le prix de la nouvelle. Oui, oui. C'est clair. Et alors, figure-toi que c'était en lisant des livres sur le rhum, dans lequel, quand tu bois du rhum, ou comme quand tu bois du vin, il y a plusieurs étapes au niveau de ta bouche, et c'est au nez, puis après à la langue, puis au palais, puis à la gorge, il y a différentes étapes, et il y a tout un champ lexical qui a à voir avec la matière, qui a à voir avec les odeurs, qui a à voir avec les fruits, qui a à voir avec les agrumes, avec la mangue sèche, comme ça. Et c'est en lisant des choses qui n'ont rien à voir avec le baiser, où je me suis dit, autant prendre la même architecture de la phrase, comme le squelette de la phrase, au nez, des tons vanillés avec un je ne sais quoi de Bordeaux, quelque chose de rouge, de mélancolique. Non, et on est en train de te parler d'un rhum. Tu sais, c'est ça qui est fascinant parce que parfois les alcools peuvent avoir. Tu peux caler n'importe quel adjectif et ça passera toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Et alors je m'étais dit pourquoi ne pas utiliser le même champ lexical puisqu'on est dans l'univers du rhum, mais le faire dans le baiser entre deux personnes. Et alors qu'il y ait dans le baiser d'abord au nez, puis après à la langue, puis à la gorge, et un travail dans lequel également l'amour peut se décanter, peut se distiller à la façon du vieillissement, de la fermentation et du travail du rhum. Donc je m'étais dit, autant prendre les deux, non, croiser les deux. Et donc ça donne ce baiser avec une couleur d'or et de miel. Mais ça doit être probablement quelque part comme ça, tu dois trouver dans une sorte de livre théorique sur le rhum del diplomatico a une couleur d'or et de miel. Oui, non, et oui. Du coup, tu reprends ça, oui. C'est ce jeu-là, en effet. Et alors, il y a aussi... Dans l'écriture, puisqu'on est parti directement sur l'écriture, on parlera un peu des personnages et de l'histoire après. Il y a aussi, par moments, une espèce... On a presque envie, de le lire à voix haute. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de mélopée qui se met en place. Et comme si même, par moments, les mots s'échappaient un peu d'eux-mêmes et qu'ils étaient là plus pour leur son... que pour leur sens. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, très, très intéressant. Est-ce que tu travailles à voix haute ou... Alors, comme je pense beaucoup d'écrivains, bien sûr, je pratique le gueuloir, comme ça, non, de pouvoir parler à voix haute, et puis de lire à voix haute, et de voir justement si ça tombe dans le bon tempo, non, si on est exactement dans la même phrase, si on est dans les rythmes ternaires, comme ça, ou binaires, ou en fonction de comment tu as organisé un petit peu ta phrase. Cependant, figure-toi que moi, je pense le livre en espagnol, et puis après, je le passe en français. Donc, bien entendu qu'il y a, à l'intérieur du ventre phonétique de certains mots en espagnol, il y a déjà la chose qui est à l'intérieur. Je vous donne, par exemple, l'exemple de la guacamaya. La guacamaya, c'est ce perroquet tricolore, et gigantesque, sublime des tropiques, qu'on dit qu'il peut vivre 100 ans, qu'il tombe amoureux au bout des premiers mois de son couple, de sa partenaire, et puis si tu en tues un, l'autre meurt au bout de quelques jours. Il a quelque chose de Garcia Marquien. Ça s'appelle la guacamaya. Quand vous entendez guacamaya, eh bien dans la rondeur phonétique de ce mot, tu as déjà l'image de ce gigantesque et de cette sublime créature qui pénètre l'air comme ça en faisant un rire stupéfiant et qui tout à coup se pose comme ça dans une sorte de souffle et qui te montre en ouvrant sa gueule sa langue noire. Ça, hein. Là, tu as la guacamaya. En français, le mot c'est ara. Fatalement, on n'est pas dans le même. Tu vois, c'est un mot qui est plus chirurgical, qui est plus clinique, qui est plus sec. Donc, quand tu dis ara passé dans le vent, ouais, non, ça n'a pas la même gueule que si tu dis la guacamaya. C'est beaucoup moins menaçant. C'est moins menaçant. Donc, au moment où toi tu es en train d'écrire, tu l'as pensé en espagnol, tu dis oui, bien sûr, il me faut une guacamaya. Et tu te rends compte que c'est ara, alors qu'est-ce que tu choisis? Soit tu décides, au contraire, d'utiliser le mot ara, donc d'être fidèle et d'être loyal à ton imaginaire, et de mettre vraiment un haras dans ton texte, soit au contraire, tu décides d'aller chercher, justement, dans les poubelles de l'histoire, aller fouiller, comme disait Pablo Neruda, les poils et le ventre de la langue, pour aller trouver le nom d'un oiseau qui, lui, est déjà, en français, une phonétique spectaculaire pour donner à ta phrase des couleurs, tu vois. Alors, en effet, l'oiseau est peut-être moins spectaculaire que le haras, mais il a, était dans son mot, déjà quelque chose du haras. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, en effet, je pense qu'il y a eu ça qui s'est passé. Je parle, par exemple, de plantation de canne à sucre, puisque ça se passe justement dans des plantations de canne à sucre. En espagnol, c'est en un seul mot, c'est cañaveral. Et le cañaveral est déjà la plantation de canne à sucre où il faut 4 mots en français pour l'expliquer. Quand tu décides alors d'écrire en français, eh bien tu vas aller faire des contours de langue. Tu vas aller chercher dans les labyrinthes du français parce que justement tu pars avec un désavantage, entre guillemets. Non pas que la langue soit moins impressionnante qu'en espagnol, mais si tu parles d'un imaginaire tropical, fatalement dans une langue qui n'est pas des tropiques, alors tu te retrouves dans cette situation. Ouais. Cependant, on trouvera des contre-exemples avec la littérature africaine, avec des Léopold Sédar Senghor, avec des Damas, avec des Diop, avec des Aimé Césaire, qui ont su donner au français une forme de tropicalisation, qui ont su lui amener une sorte de couleur de brousse, de savane, comme ça, de fruits de la passion, de lechosa, de lianes et de fleuves, et qui donne alors au français un je ne sais quoi. Il est possible, en imaginant, et en plaçant ton livre dans un imaginaire tropical, il est possible de trouver des mots en français qui soient suffisamment colorés pour pouvoir calquer avec la réalité que tu décris. Ah ben ça c'est clair, tu les as trouvés. Il n'y a pas de problème. Los Sueños Perdidos, c'est un groupe chilien, pas très connu en France, groupe de fusion chilien, qui va chercher ses inspirations dans les musiques traditionnelles, dans le rock, dans le jazz, un groupe qui s'appelle Congreso, un groupe qui existe depuis la fin des années 60. Voilà, et nous retrouvons sur cette parenthèse musicale, nous retrouvons Miguel Bonnefoy, toujours aussi intéressant et toujours aussi sympathique. Pour son livre Sucre Noir. Pour son livre Sucre Noir, n'oublions pas de le préciser. Alors parlons un peu des femmes, parce qu'il y en a plusieurs, moi il y en a trois que j'aime beaucoup, que j'ai retenu. Alors bien entendu, donc il y a Serena, qui est donc la première génération de femme qui va être décrite. Alors elle est étonnante parce que elle est à la fois timide, un peu sauvageonne, experte justement dans cette forêt puisqu'elle est botaniste à 16 heures, et puis elle va devenir un peu chef d'entreprise aussi. Et on voit dans son parc, il y a quelque chose d'Emma Bovary aussi, oui, d'ennui, d'attente, oui, permanente, avec tous ses messages. Elle envoie des messages pour que quelqu'un vienne, etc. Comment est-ce qu'il y a des figures qui t'ont inspiré? Est-ce que... Et je trouve qu'elle a plein de visages différents. Oui. Elle est... Oui, tu le dis très bien. Et quelque part, je pense que, bien sûr, c'est toujours difficile pour un homme d'écrire sur les femmes. C'est-à-dire qu'on se sent tout de suite absolument illégitime. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Lola Lafont, qui, elle, justement, écrivait également sur les hommes. Et elle me disait jusqu'où, en fait, on peut aller vraiment et jusqu'où on peut réellement développer. Il y a une sorte de fascination qu'on crée pour savoir quels sont les labyrinthes, quelles sont les mélasses, quel est le monde qui se crée dans un sexe, eh bien, hélas, que tu connais mal. Et donc, je m'y suis penché. Tu peux imaginer que ce soit pour Octavio, que ce soit pour Jeanne, que ce soit pour Sucre Noir, l'idée était sans cesse de pouvoir rompre le cliché du Venezuela, qui n'est un pays que de pétrole, qui n'est un pays que de révolution, qui n'est un pays que de plages, et de femmes qui gagnent des Miss Monde et des Miss Univers. Or, moi, je viens d'une famille où il n'y a pratiquement que des femmes. Et ce sont des femmes qui sont fortes, qui sont indépendantes, qui sont autonomes, qui sont guerrières, qui sont activistes, qui sont souveraines, et qui ont su traverser le siècle avec beaucoup de dignité, sans forcément être bras dessus, bras dessous avec un homme, avec de l'aplomb, et qui ont montré qu'on pouvait avoir cette souveraineté pour se dresser face à l'hégémonie des systèmes patriarcaux. Bien entendu, alors, au moment d'écrire des personnages féminins, il fallait rendre hommage à cette femme vénézuélienne qui, non, ne gagne pas juste des Miss Monde et des Miss Univers, mais qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, et qui peut, elle aussi, avoir des sentiments qu'on associe bêtement avec des hommes, qui sont des sentiments de possession, qui sont des sentiments de dictature, qui sont des sentiments de tyrannie. Serena, et l'idée c'était, et encore une fois avec beaucoup d'humilité et de modestie, parce que je serais le premier à reculer si on me dit qu'il y a eu une erreur, l'idée était de pouvoir créer une sorte de trois portraits de femmes, c'est-à-dire cette première femme qui est Candelaria Otero, qui est une femme effacée derrière ses marmites, derrière son mari, derrière sa maison, et qui est là, c'est dans la lignée classique par des systèmes qui ont été construits pour et par les hommes, de la femme du 18e, 19e, et qui... Serena, tout à coup, est une femme au contraire qui eh bien, est héritière de ça, mais qui essaie de se tourner comme elle peut vers la musique, vers la fiscalité, vers l'entreprise, vers la littérature, qui essaie de comprendre un petit peu comment va le monde, qui essaie justement de comprendre le fonctionnement de son village, de voir si elle peut régler des conflits de voisinage, d'essayer d'avoir un rôle dans la société, et qui a quelque chose, comme tu dis, d'Emma Bovary, qui, bien sûr, avec son menton dans la paume de la main, regarde vers l'horizon en attendant une réponse, quelque chose de Thérèse Raquin, mais d'un autre côté aussi, peut-être une femme qui peut prendre ses décisions toute seule, et qui avance comme elle peut. Et puis après, il y a Eva Fuego, qui est cette troisième femme, ce troisième visage, et qui, elle, au contraire, a quelque chose de presque masculin, si bien que moi, je l'avais travaillé comme un homme, à la base, dans une sorte de grande colonne. Elle est sculptée comme un homme, qui porterait des pantalons, qui dresserait des épagneuls, qui couperait à la hache des arbres, et qui parlerait avec force, qui serait fascinée par les armes et fascinée par l'or. Et aussitôt, en développant ce personnage, j'en avais parlé avec ma petite sœur, qui s'appelle Eva, et qui m'avait dit « Pourquoi il faut toujours que ce soit un homme, c'est ça, qu'on associe à ces choses-là? Est-ce que si tu donnais au contraire à ce personnage un relief féminin, est-ce que ça ne lui donnerait pas une épaisseur que tu n'avais pas imaginée? Est-ce que ça ne donnerait pas quelque chose de... caractériser ton personnage d'une manière différente, avec des ronces, avec des épines, mais aussi avec des roses et avec des fleurs? » Et alors, ça a donné le personnage d'Eva Fuego. Donc l'idée était, encore une fois, et j'ai été dans des rencontres et dans des interviews où on a dit que c'était une sorte de roman féministe, mais là, moi je veux bien que ce soit un roman féministe, Mais en en parlant ici et là avec des amis qui, eux, sont très activistes, et ma famille, qui est vraiment, pour le coup, très militante par rapport à ça, ils m'ont toujours fait comprendre que le féminisme était pour et par les femmes, puisque les hommes ne peuvent pas comprendre ce que c'est que le venin des contraceptions, ne peuvent pas comprendre ce que c'est que les violences de genre, ne peuvent pas comprendre ce que c'est que des mariages forcés et un avortement ou ce genre de choses. Cependant, si ce livre alors peut accompagner, peut suivre, peut épauler et joindre mes aspirations et mes ambitions à leurs aspirations et leurs ambitions, alors je veux bien qu'il soit utilisé comme une arme de combat. Donc, vous ferez une bonne action. mais par contre, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que justement par rapport à ça, c'est que du coup, on a l'impression que tu t'interdis peut-être toute description qui irait justement dans le sens de quelque chose de plus classique. Par exemple, quelque part, tu ne parles jamais de la beauté de ces femmes. Imagine-toi, si je fais ça, moi, ma famille me bannit entièrement. Jamais de sexualiser le personnage féminin, jamais faire la belle femme, elle avait ce je ne sais quoi, elle portait des jupes, enfin... Et oui, c'est comme tu alors, dis, ça peut paraître idiot. Tu te venges quand même. Hein, tu te venges quand même. Tu te fais un petit plaisir. Ah bah allons-y. Avec Diane Chasseresse. Ah oui, oui, qui est là quelque part. Diane Chasseresse quand même. Quand parce même que là, c'est une statue. Oui, c'est une statue. Et alors là, justement, la description devient beaucoup plus classique. Elle est de marbre, c'est voilà, plus simple. Voilà, donc ça risque rien, on ne va rien te reprocher. Exact. Oui, tu n'as pas fâché avec ta mère, ni avec ta sœur. Voilà. Mais donc il y a cette espèce de petit élément justement purement féminin qui par contre aura là encore un rôle dans le récit assez particulier. Absolument. Mais on retrouve, voilà, c'est là, on dirait que c'est là que tu l'as cristallisé un peu, oui, ce que tu n'avais pas le droit d'écrire ailleurs. Oui, tu as raison. Peut-être que tu l'as écrit là. C'est vrai, sans doute, c'est ça. Mais c'est vrai que les personnages ne sont jamais déshabillés. Dans Octavio, le personnage féminin s'appelle Venezuela, donc en plus elle porte le nom vraiment du pays pour vraiment faire comprendre et souligner la chose. Et c'est elle qui, au contraire, n'est jamais déshabillée et elle est dans la transmission du savoir, et elle apprend à lire et à écrire au personnage, et donc c'est une femme qui n'est développée et définie que par rapport à son intelligence et son savoir, sa connaissance. Et dans Jungle, bueno, c'était un récit de voyage, on était entre hommes, donc il y a beaucoup de testostérone. Il y a un personnage féminin quand même, comment elle s'appelle, que tu croises dans Jungle. Dans Jungle. Ah oui, une jeune indigène, c'est Dulce. Dulce. C'est tout à fait, mais bueno, c'est un personnage. Mais on a l'impression de la voir. Qui apparaît, beaucoup, ça me fait plaisir, mais en effet, qui apparaît d'une manière très rapide, ça doit faire une page. Et pour Sucre Noir, bien entendu, c'est un personnage féminin qui réapparaissait. L'idée était encore une fois de lui donner quelque chose de fort. Et alors, les personnages masculins, donc un principal qui est Severo Bracamonte. Alors, Severo et Serena, quand même, les prénoms, tu t'amuses. Oui. C'est une toponymie classique. Moi, je n'ai rien inventé. Tu vois dans Balzac ou tu vois dans Flaubert, et tu as toujours cette idée de donner au personnage, déjà de caractériser le personnage avec son nom. Donc, que ce soit Bouvard, que ce soit Pécuchet, que ce soit tant d'autres choses, que ce soit Bovary. Et l'idée était justement de parler de Serena, de parler de Severo. Et si vous prenez un personnage qui s'appelle Severo et alors vous le rendez sévère, alors c'est trop simple, non ? C'est linéaire. Oui. Et si vous prenez une personne qui s'appelle Serena et vous la faites sereine, même spectacle. L'idée était justement de faire le croisement des deux. Et que Severo soit serein et que Serena soit un peu plus sévère. Non ? Et jouer un petit peu dans ces deux-là. Pareil pour Eva Fuego, non ? Elle naît du feu, alors bien entendu elle s'appellera Eva Fuego. Mais ce sont des choses qui sont anecdotiques. Et qui sont des coups de pinceau, comme ça, des coups d'épée. Cependant, parfois, ça peut vous donner des surprises. Et encore une fois, je vous raconte cette anecdote. Et c'était pendant la... Peut-être tu la connais. Si tu la connais, tu me diras et tu me coupes immédiatement. Pendant la promotion d'Octavio, du voyage d'Octavio, moi, j'avais mis le nom de Octavio simplement parce que pendant que j'étais en train d'écrire le livre, j'avais un couple d'amis qui avait un petit enfant de 8 ans. Il aimait jouer au foot avec moi. Il s'appelait Octavio. Et alors, j'avais tapé simplement Octavio comme un... nom de personnage de travail, en me disant tôt ou tard je finirai par changer si tu veux le nom de code Octavio si tu veux. Et puis finalement il était resté là, si bien que quand j'avais voulu vraiment changer le nom, c'est le personnage lui-même qui s'était dressé sur la page en me disant non, je m'appelle comme ça, non, et à partir de là j'aimerais bien garder ce nom. Quoi qu'il en soit, j'avais finalement publié le livre comme ça. À la base, il ne s'appelait même pas Le Voyage d'Octavio, ça s'appelait La Terre qu'on porte, et avec l'éditeur on avait finalement changé le titre, ils avaient finalement trouvé Le Voyage d'Octavio. J'étais dans une rencontre littéraire à Salon de Provence, et en pleine rencontre littéraire, il y a en effet une femme qui s'assoit au premier rang et me dit « Monsieur, au milieu de la rencontre, pratiquement en me coupant la parole, permettez-moi de vous dire que j'ai été fasciné par l'idée que vous avez eue d'éliminer le chapitre 8 dans votre livre. » J'ai dit, comment ça, madame? Elle me dit, bien sûr, prenez votre livre, ouvrez-le, vous allez voir, les chapitres passent du 7 au 9. Donc, en effet, j'ouvre le livre, je regarde, et tout à fait, dans la première édition, ça passait du 7 au 9. Et je dis, mais c'est pas possible, c'est passé par mes mains, par les mains de l'éditeur, par les mains du graphiste, par les mains des libraires, par les mains du correcteur, par les mains de tant de gens. Et elle me dit, mais bien sûr, le personnage s'appelle Octavio, c'est Octave, c'est Octo, c'est 8. C'est comme si le personnage avait lui-même absorbé le texte, comme s'il avait bu l'encre du texte, enfin... Et je lui disais, madame, j'aurais tellement aimé avoir eu cette idée. Mais malheureusement, c'est une coquille, c'est une faute de frappe. Et c'était génial. Et je regardais mon éditrice qui était au fond de la salle et qui se cachait, tu sais, derrière les têtes pour ne pas croiser mon regard, honteuse de cette affaire. Donc tu vois, finalement, la toponymie des personnages finit parfois même par t'échapper. Respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Abrir la puerta otra vez, limpiar el alma, creerse el hoy otra vez, es partir y volver al nuevo mundo. Cantar al aire otra vez, respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 avec les amis du Grand Démo et c'était le groupe chilien Congreso. Et nous allons retrouver, après cette petite parenthèse, Miguel Bonnefoy. Le vrai sujet du livre. Oui. Le vrai sujet du livre. Oui. C'est justement la situation du Venezuela aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que la clé, elle n'est pas... Je vais lire un petit passage à propos où tu parles justement du pétrole, du fait qu'on ait découvert du pétrole dans l'ouest du pays. Il sortit comme un minotaure des profondeurs de son labyrinthe et rapidement des sociétés se fondèrent pour l'exploiter. Il ébranla les conditions économiques, des immigrés vinrent de partout, l'exploitation commença et les capitaux se chiffrèrent très vite par millions. De toutes parts arrivèrent des ingénieurs et des scientifiques pour perforer et étudier. L'ancienne économie basée sur le maïs, la cassave, le coton, le tabac se vit bientôt remplacée par une industrie pétrolière. Les exportations dépassèrent celles du café et du cacao. On fit des extractions et en peu de temps, une monoproduction nationale commença. Donc là, c'est voilà, cette espèce de trésor que tout le monde cherche et qui va pourrir la vie de tout le monde, finalement, c'est cette recherche. C'est le pétrole, c'est... Oui. C'est comment... Alors, tu as eu besoin de passer par la fiction pour raconter ça ou c'est quelque chose, parce que quand tu racontes cette histoire avec le maître Romier, chez qui tu as passé du temps, est-ce que tu as pensé à faire ce parallèle? Est-ce qu'il est né dans l'écriture du livre? Et est-ce qu'il était avant? Oui, c'est intéressant. Et c'est bien, je pose que des questions intéressantes. Oui, c'est extraordinaire. C'est génial, hein. Non, ça fait plaisir, parce que parfois, en effet, tu peux te retrouver avec des modérateurs comme ça qui connaissent mal le livre, et alors ça devient un travail presque humanitaire, comme ça, que tu peux essayer les choses. Et là, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un équilibre. Et je pense que une fois que j'étais au Venezuela en train d'étudier cette ferme distillerie avec tout le monde du Rhum, j'étais tombé dans la bibliothèque de Santa Fe chez moi et dans un livre de Cabrujas, qui est un humoriste, poète, romancier vénézuélien, dans lequel au milieu d'une de ses pages, il dit « Mon grand-père m'a toujours dit, écoute, arrête d'aller à l'école et arrête d'aller à l'université pour essayer d'apprendre des choses, prends une pelle ». Va dans des champs de canne à sucre. Il existe encore 150 trésors des Caraïbes, des pirates des Caraïbes qui sont enterrés en Amérique latine. Et prends donc une pelle, va retourner les champs de canne à sucre et fais-toi riche alors en un mois en découvrant un trésor. Et du coup, Kaulora disait, c'est drôle de me souvenir aujourd'hui de ces enseignements, de ces paroles de mon grand-père, parce que j'ai l'impression parfois que c'est une sorte de traduction de la pensée du XXe siècle vénézuélien. C'est arrête de travailler, arrête d'étudier, arrête d'aller avec discipline et méthode travailler certaines choses, rends-toi riche en très peu de temps en retournant de la terre et en trouvant un trésor. Et dit, est-ce que ce n'est pas cette espèce de prophétie qui est arrivé finalement au Venezuela à la découverte du pétrole dans les années 20, qui a été comme une sorte de trésor des Caraïbes, qui a été trouvé, et à partir de là, on a tout laissé se sécher. Et en effet, c'est sans doute, je pense, le croisement entre l'envie d'écrire sur le Rhum et tantôt cette lecture de Kaulu avec cette analogie du pétrole où je me suis dit, quelle bonne idée de pouvoir faire le lien entre les deux. L'idée, bien entendu, et vous le savez, qui est le plus grand drame et la plus grande tragédie du Venezuela, et c'est sans doute pour ceux qui le savent, c'est un cliché de le dire, a été vraiment la découverte du pétrole, c'est-à-dire près de Santa Lucia dans les années 20. À partir de là, on a commencé à faire une monoproduction, une rente pétrolière, on a arrêté de produire, on s'est mis à tout importer. Le pétrole, comme disait Arturo Larpietri, aurait dû être semé, c'est-à-dire qu'on aurait dû multiplier les vaches dans les prés, multiplier les poules dans les volières, faire un barrage, faire des universités, faire des autoroutes, etc. Eh bien, au contraire, on s'est mis à tout importer. Aujourd'hui, on importe presque 97% des denrées du pays. On importe le maïs, on importe le coton, on importe le tabac, on importe le cacao, on importe le café, on importe absolument tout, puisqu'on a de l'argent. Au Venezuela, on dit que les gens sont si pauvres, qu'ils n'ont que de l'argent. Donc en effet, l'idée était de parler de cette réalité, mais si je m'étais mis à parler de cette réalité avec des pourcentages, avec des chiffres, avec des noms, avec des dates, peut-être alors que ce serait un autre livre, un livre plus théorique, plus académique, et ce serait passé par d'autres chemins. L'idée était de pouvoir passer par la fable, par l'allégorie, par la parabole, et donc de faire le portrait de cette famille de maîtres Remier qui, eux, vivent des traditions et des cultures de sucre, puisqu'on vivait de ça avant la découverte du pétrole. Et qu'aussitôt, il y a cette légende qui dit que des trésors des pirates sont enterrés au fond des cannes à sucre, et donc des explorateurs se succèdent les uns après les autres, et qui, au lieu de travailler avec discipline et méthode la Terre, vont essayer de la retourner pour trouver les richesses en dessous. Donc quelque part, il y a des personnages qui ressemblent un peu aux gens du pays du XXe siècle, qui ne se sont pas rendus compte que le vrai or était sous leurs yeux, dans cette culture du sucre, du maïs, du café, du tabac, et non pas à quelques pieds sous terre, dans un coffre scellé de 12 clous d'argent et bardé de lambeaux de fer rouge. C'est la raison pour laquelle, du coup, le livre s'appelle Sucre Noir. Donc c'est tantôt la mélasse, le couleur miel, couleur ambre, la sucre negra, lo que llamamos el papelón, et d'un autre côté, l'or noir du pétrole. C'était ça, plus ou moins, l'idée. Moi, je reviens du Venezuela. J'étais là il y a 3 jours, pendant 10 jours, pour aller parler de tout ça, justement. Et c'était hyper intéressant. Comment les gens le prennent? Parce que de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, etc. C'est comme je me mets maintenant devant vous à parler des fables de La Fontaine ou de la Révolution française. Ce sera un mode, c'est une évidence, c'est un cliché, de dire ces choses-là. Et alors, c'était intéressant de pouvoir leur dire, oui, mais moi, c'est un livre que j'écris aussi pour un autre public, c'est pour des gens qui, forcément, ne savent pas ce qui se passe au Venezuela, ou quels ont été les différents parcours, quelles ont été les différentes histoires. Et du coup, on avait un débat qui était très intéressant, c'est d'ailleurs jusqu'où tu vas dans les régionalismes, dans les localismes de ta culture et de ta langue, et jusqu'où ça peut éloigner les gens, ou est-ce qu'au contraire, tu décides de, sans avoir peur du mot, de vulgariser certaines choses de ton pays pour pouvoir justement les exporter plus facilement. Mais c'est le débat qu'a eu Stefan Zweig pendant des années avec toutes les biographies qu'il a fait. C'est-à-dire que n'importe quel biographe de Balzac ou de Stendhal ou de Casanova ou de Tolstoy disait, mais enfin monsieur, comment voulez-vous réduire Tolstoy à 30 pages? Il dit, oui, moi je ne cherche pas à réduire Tolstoy, il y en aura d'autres qui feront le travail. Mon travail, c'est celui de démocratiser quelque part. Voilà, l'idée était plus ou moins la même. Et alors on en parlait, et puis d'autres personnes, au contraire, se levaient dans la salle en disant, non, moi je l'ai lu, au contraire, je trouve qu'il parle de l'intérieur et non pas de l'extérieur, qu'on n'est pas dans une sorte de vision exportée, au contraire, qu'on est dans le réel. Et du coup, des débats se créaient, si bien que moi, je prenais ma chaise et j'allais faire autre chose. C'était très intéressant. Et en plus, qu'il le lisait dans une traduction. Et donc, c'est drôle de lire ton livre traduit. Comment tu travailles avec le traducteur? Oui, on travaille très étroitement, mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour les traducteurs, beaucoup d'admiration pour les traducteurs. Ce sont vraiment des véritables artistes, vraiment des écrivains à part entière. Mais est-ce que ce qu'il traduit est très différent de ce que tu as pensé? Je pense qu'en effet, c'est cette belle infidèle, si tu veux, de la traduction. C'est-à-dire que tantôt, ils ont une forme d'infidélité, fatalement, presque étymologiquement, puisque le traducteur est un traître, non, étymologiquement. Et parallèlement à ça, ils ont une loyauté qui me semble extraordinaire. Et ils arrivent parfois à donner à ton texte en espagnol une épaisseur ou quelque chose que toi, tu n'aurais jamais imaginé, jamais soupçonné. Et parfois, il y a des choses qui sont intéressantes qu'ils se font. Mais moi, je te dis, les traductions étaient si bonnes que parfois, je me mettais à les lire et je passais les pages en voulant savoir qu'est-ce qui allait se passer après. T'avais oublié que tu l'avais écrit. D'accord. Et du coup, c'était intéressant de voir ça. Et d'un autre côté, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir la traduction à l'intérieur de la traduction. C'est-à-dire que le livre a été écrit en français. Puis après, il a été donc vendu à une maison d'édition vénézuélienne, encore une fois. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, il a été vendu en Angleterre et ils ont acheté à 1000 euros, supposons. En Grèce, à 800 euros. En Italie, à 500 euros. Quand le Venezuela a fait sa proposition pour acheter les droits d'auteur, ils ont acheté à 70 euros. Alors, aussitôt, la maison d'édition m'appelle en riant, en disant « bien sûr qu'on refuse ». Et ils n'avaient pas compris que, justement, il y a une politique du livre au Venezuela qui est différente, et qu'ils achètent à 70 euros parce qu'ils ne le vendront pas plus cher que 10 centimes, ils ne feront pas d'argent dessus, et ce n'est pas l'idée, ce n'est pas des entreprises privées qui sont en train de faire ça. Alors, bien entendu, qu'on a signé avec eux. Donc, ils ont pris une traductrice vénézuélienne qui, elle, a fait le travail. Par exemple, en espagnol, au Venezuela, on dit « pasar por los caminos verdes » pour passer par des chemins alternatifs, soit pour dire des choses ou pour aller quelque part. Ça vient de l'époque où les Colombiens passaient au Venezuela par la montagne et non pas par la frontière. C'est « pasar por los caminos verdes », les chemins verts. Donc moi, j'écris dans le livre « il passa par des chemins verts pour rentrer chez lui ». La traductrice vénézuélienne prend alors ce texte en français et écrit, puisque c'est lexicalisé en vénézuélien, « pasó por los caminos verdes ». Et elle écrit alors « caminos verdes ». L'Espagne a décidé de s'intéresser au texte, a donc acheté la traduction vénézuélienne en espagnol et a décidé d'hispaniser le texte, non, de castillaniser le texte. Et donc, et par exemple, typiquement pour Camino Verde, en ne comprenant pas Camino Verde, puisque c'est très vénézuélien, il a décidé d'écrire atajos, les raccourcis, en passer par des raccourcis. Et donc, elle a envoyé alors la traduction espagnole à cette traductrice vénézuélienne. Et alors, la traductrice vénézuélienne, en me mettant en copie dans le mail, lui écrit « Monsieur, 5 siècles après la conquête espagnole, vous êtes encore en train de coloniser notre langue. » Et là commence une sorte de débat entre eux sur l'espagnol, en disant, monsieur, nous, on doit conserver dans notre traduction vénézuélienne la saveur vénézuélienne, tropicale, de la région, dans laquelle il y a certains proverbes, certaines expressions qui doivent être conservées, certains mots qui doivent être conservés, et alors, si vous voulez, vous mettez une note en bas de page, non ? Et l'espagnol lui dit, madame, et qui est un type super, Ricardo López, comme ça, quelqu'un que j'aime beaucoup, très enthousiaste, très sympathique, très intelligent, il dit, madame, comprenez, moi j'ai une structure éditoriale, moi j'ai une maison d'édition, moi j'ai des lecteurs, j'ai un système de libraire, des reprêts, etc. Il faut que je fasse mon travail aussi, et si je mets des notes en bas de page à chaque fois, eh bien ça va faire un deuxième roman en bas de page pratiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Permettez-moi alors de diluer un petit peu la traduction, de faire vraiment mon travail, et ta... Et alors, il commençait ça avait l'air d'une sorte de conflit bilatéral, tu sais, entre deux pays, dans lequel on me mettait dans le copie dans le mail en disant « Monsieur l'auteur se prononcera, tu sais, et avec son voix prophétique de marbre dira « Lui a raison, non ?» ou « Elle a raison. » Et puis, aussitôt, ils m'envoyaient chacun un mail de leur côté en disant « Il faut que tu déclares quelque chose. Il faut que tu te prononces. » Fin de la récré. Et imagine-toi, moi, j'étais donc chargé d'une mission que je n'aurais pas voulu avoir. Et puis, je ne sais pas du tout si j'ai eu la bonne position ou pas, je le dis très honnêtement. Mais j'ai préféré dire qu'une fois que le livre est publié, eh bien, il ne m'appartient plus. Oui. Qu'il appartient au traducteur, qu'il appartient au lecteur, qu'il appartient au libraire, qu'il appartient eh bien, aux critiques littéraires, aux journalistes, aux membres de prix, à toute cette masse sombre et anonyme comme ça, de gens qui finalement prennent le livre et qui trouvent dans leur cœur eh bien, des trésors comme ça ou pas, enfin qui aiment, qui n'aiment pas, qui débattent autour de ça et qui n'a rien à voir avec moi. Et moi, mon ego n'est pas suffisamment développé pour être en train de dire j'ai écrit un chef-d'œuvre, il ne faut pas changer une seule virgule, et celui qui touche à mon texte, alors aura offert à moi. Au contraire, c'est ça, qu'il se modifie, qu'il se ramifie, qu'il se flexibilise en fonction des langues, en fonction des êtres, en fonction des frontières, et qu'il vive, qu'il respire. Bien, et bien sûr, ces mots se terminent la rencontre, ou plutôt les extraits de la rencontre avec Miguel Bonnefoy, donc jeune auteur de langue française, mais d'origine vénézuélienne et chilienne, auteur de Le Voyage d'Octavio, de Jungle et de Sucre Noir, qui le dernier titre Paris, voilà. paru aux éditions Rivage. L'entretien a été mené par Françoise de Blomac. Vous êtes bien avec les amis du Grain des Mots, c'est Radio Clapas, c'est... Nous vous souhaitons de bonnes lectures, de bonnes fêtes de fin d'année et nous remercions Pierre-Jean, grâce à qui vous parvenez à nous entendre. À très bientôt.